C'est un sans-papier, mais un sans-papier qui n'est pas tout à fait ordinaire, car cet homme qui vit chez nous depuis 1986 n'a jamais été inquiété par les autorités malgré le caractère illégal de son séjour en France. Et pourtant, au départ, il était prévu qu'il ne devait pas demeurer plus de 15 jours sur notre territoire. Juste une escale avant de trouver un pays qui voudrait bien l'accueillir. Mais voilà, ce sans-papier, à qui on a refusé le statut de réfugié politique, est toujours là. Et lui, au moins, n'est jamais passé par Sangatte. Cet homme, c'est Jean-Claude Duvalier, autrement dit Baby Doc, le dictateur haïtien qui est arrivé en France avec les millions de dollars volés à son pays. Baby Doc, fils de Papa Doc, l'homme qui, avant lui, a régné par la terreur sur cette île des Caraïbes, un des pays les plus misérables de la planète et le plus pauvre des Amériques. 80% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Les inégalités sociales sont criantes. Le chômage touche la moitié de la population. Seul un tiers de cette population a accès à l'eau courante et l'épidémie de sida ne cesse d'y progresser. Aujourd'hui, Baby Doc, ce touriste illégal, le luxe, serait introuvable. On dit même que, malade et ruiné, il aspirerait à rentrer chez lui où les troubles n'ont pas cessé depuis son départ. Mais au fond, peu importe la situation personnelle de ce dictateur déchu. Ce qui compte, c'est le destin de cette république, une des plus vieilles d'Amérique latine, une île francophone qui n'a jamais vraiment connu la démocratie et qui continue à s'enfoncer dans la pauvreté. Pourquoi, se demande Monsieur X, et quelle est la responsabilité de son puissant voisin d'Amérique du Nord, les États-Unis, qui ont toujours considéré que cette région du monde faisait partie de leur arrière-cour. Rendez-vous avec X. Vous n'avez pas oublié la sinistre réputation de ces hommes qu'on appelait les tontons Macoute. Des miliciens. Et des assassins. En créole, tonton Macoute, ça veut dire bonhomme bâton ou croque-mitaine. C'est parlant. N'est-ce pas? Et c'est sur ces redoutables personnages que Papa Doc, comme on le surnommait, a construit son pouvoir et terrorisé les Haïtiens. Et aujourd'hui encore, c'est une expression qui fait peur. Je ne vais pas vous demander un cours d'histoire, enfin, mais quelques mots peut-être sur cette île. Eh bien, rappelons d'abord que Haïti, c'est la moitié de l'île de Saint-Domingue. Et l'autre partie constituant la République dominicaine. C'est ça. Saint-Domingue, c'est la première terre foulée par Christophe Colomb lors de son voyage vers les Amériques en 1492. Et il la baptise Hispaniola. Hispaniola. Elle est alors peuplée d'Indiens. Comme toutes les autres îles des Caraïbes. Mais rapidement, les exactions des colons et les maladies apportées par les Espagnols ont raison de ces Indiens. Et plus tard, ils seront remplacés par des esclaves africains. Pour exploiter les plantations. Oui, donc au départ, la colonisation est espagnole. Mais les Français vont leur disputer ce nouveau territoire. Des flibustiers s'installent dans la petite île de la Tortue. Et un peu plus tard, sous Louis XIV, des colons français s'installent dans la partie ouest de Saint-Domingue. Donc l'actuelle Haïti. Qui devient une des plus riches colonies françaises. On y cultive le coton, le café, la canne à sucre. Les colons, qui sont alors quelques milliers, font travailler un demi-million d'esclaves noirs. Enfin, je vais vite. À la fin du XVIIIe siècle, les esclaves se rebellent. Ah oui, c'est le fameux Toussaint l'Aventure. Oui, l'Aventure, un régisseur noir qui se proclame gouverneur général, mais trahi par les mulâtres qui forment une caste privilégiée, il est capturé par les troupes napoléoniennes. Et il finira sa vie dans une forteresse française. Dans le Jura, je crois. Mais ça n'empêchera pas l'un de ses lieutenants de conquérir l'indépendance au tout début du XIXe siècle. Haïti devient ainsi la première république noire de l'histoire. Une république démocratique? Non. Les Haïtiens ne sont pas préparés à se gouverner eux-mêmes. Et on va malheureusement assister à un enchaînement de dictatures où l'élite mulâtre se taille la part du lion. C'est très important, parce que cet antagonisme entre les mulâtres et les noirs va être une donnée essentielle de la politique haïtienne. Est-ce que le colonisateur, c'est-à-dire la France, hein, en l'occurrence, va garder des relations avec ce nouvel État indépendant? Bien sûr, même si nous ne serons pas très empressés à reconnaître l'indépendance. Mais les Haïtiens parlent français, et au moins jusqu'au début du XXe siècle, nous continuerons à avoir d'importantes relations commerciales avec notre ancienne colonie. Qu'est-ce qui va changer alors? La politique des États-Unis. Ah oui, je vois l'application de la fameuse doctrine Monroe. Oui, c'est vers 1820 que ce président américain, l'homme qui, entre parenthèses, a acheté la Louisiane à la France, a fixé cette ligne intangible. Les États européens ne doivent pas se mêler des affaires du continent américain. Et par conséquent, ils doivent aussi en être chassés s'ils y demeurent. Et éventuellement par la force, ce qui se passera par exemple à Cuba ou à Porto Rico, au détriment des Espagnols. Mais cette politique expansionniste a aussi une dimension économique évidente. Les Américains veulent conquérir de nouveaux marchés et exploiter à leur profit les richesses du continent. Mais ce qu'ils vont faire à Haïti. Oui, sous prétexte du refus du gouvernement haïtien de rembourser sa dette, des soldats américains débarquent dans l'île. Un prétexte, dites-vous? Bien entendu. Il s'agit d'abord de se substituer à la France, qui est le principal partenaire commercial de Haïti. La preuve, c'est que, à peine débarqués, les fusiliers américains s'empressent de couper le câble télégraphique qui relie l'île à la France. L'autre objectif, c'est de mettre fin à l'anarchie et aux violences qui règnent à Haïti. Et pourquoi? Rassurez-vous, les États-Unis, même s'ils prétendent le contraire, n'ont nullement l'intention d'exporter la démocratie. Ça me rappelle quelque chose. Oui, en effet, oui. Mais à Washington, on pense que cette agitation est préjudiciable au commerce et aux investissements. Bref, si on veut faire des affaires, il faut que l'ordre règne. Et il y a enfin une autre raison. Une raison qui fera que les États-Unis ne se désintéresseront vraiment jamais de Haïti. C'est le canal de Panama. Attendez, c'est quand même pas tout près. Sans doute, mais à Washington, on estime que Haïti se trouve dans la zone d'approche et que celle-ci doit être sécurisée. Mmh. D'accord, alors, on revient à ce que vous disiez, les Américains débarquent. Qu'entendent-ils faire à Haïti? Pendant presque 20 ans, ils vont occuper le pays et ça ne va pas sans heurts. Parce que les Haïtiens sont forcément contre. Surtout les paysans qui sont expropriés sans ménagement par les grandes compagnies américaines. La conséquence, ce sont des révoltes qui sont matées dans le sang. Il y a des milliers de victimes. Mais pour être tout à fait juste, il faut reconnaître aussi que cette occupation américaine produit quelques effets positifs. Par exemple, hein? Essentiellement, la réalisation de travaux d'infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, etc. Ouais. Tout cela au prix de la colonisation, hein? Et puis d'une répression sévère. Et d'un véritable assujettissement. Une fois encore, les seuls qui s'en sortent, ce sont les mulâtres sur lesquels les Américains s'appuient. Toutefois, aux États-Unis même, cette politique coloniale et brutale finit par choquer. Et au début des années 30, le président nouvellement élu, Franklin Roosevelt, décide de rapatrier les soldats américains qui occupent l'île. Est-ce que c'est un désengagement total ? Non. Les États-Unis gardent par exemple le contrôle des douanes haïtiennes. Mais surtout, l'île fait désormais partie de leur zone d'influence et leur intérêt économique demeure bien entendu. Donc ils y font la pluie et le beau temps. Ça n'ira pas. Quand ça croissant, surtout après 1959 et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro dans l'île voisine, Cuba. Parce qu'il faut éviter la contagion. Naturellement. Donc Haïti est alors une sorte de protectorat américain. Oui, c'est Washington qui fait ou défait les présidents. Washington qui a d'ailleurs fort à faire tant le système politique haïtien est instable. Émeutes, putsch succèdent et l'armée doit souvent intervenir. À l'instigation des Américains ? Souvent, oui. En même temps, on assiste à un appauvrissement croissant de l'île. À cause de l'érosion des sols, accentuée par la déforestation, l'agriculture de l'île, autrefois si prospère, ne peut même plus satisfaire les besoins alimentaires de la population. Et quand Papadoc arrive-t-il ? Enfin, Papadoc, c'est-à-dire Duvalier. Hein ? Il est élu à la présidence de la République à la fin des années 50, en 1957 exactement. Alors lui, est-ce l'homme des Américains ? Non. Non, à Washington, on se méfierait plutôt de ce médecin des pauvres, apôtre de la négritude, qui prêche un discours très agressif contre les Blancs. Mais c'est l'armée qui l'a imposé comme candidat. Pourquoi ? Parce que les militaires pensent que ce petit homme timide et myope sera un jouet entre leurs mains. Ils vont se tromper. Ils vont s'en apercevoir rapidement. François Duvalier est loin d'être un fantoche. Et dès son accession au pouvoir, il va constituer une force susceptible de faire pièce à l'armée. Cette armée qui l'a pourtant hissé à la première place. Cette force-là, j'imagine que c'est sa milice personnelle, les sinistres tontons Macoutes. Oui, il n'est pas inintéressant d'ailleurs de remonter à l'origine de cette formation. Les tontons Macoutes, ce sont en quelque sorte les héritiers de ce qu'on appelait autrefois dans l'île les commandeurs. C'est-à-dire des hommes qui étaient chargés de surveiller le travail dans les plantations au temps de l'esclavage. Une sorte de capot. Si vous voulez. Et les Américains avaient ressuscité ce système en créant des chefs de section détenant des pouvoirs de police. Alors ce sont ces hommes-là que Duvalier va recruter. Oui. Officiellement, ils vont devenir les volontaires de la sécurité nationale. Mais bientôt, toute la population haïtienne va les appeler les tontons Macoutes. Parce qu'ils vont instaurer la terreur dans toute l'île et qui vont persécuter tous ceux qui ont la velléité de s'opposer à Duvalier, ou qui, simplement, n'ont pas l'heure de lui plaire. Songez que sous la seule présidence de Papadoc, ils vont commettre 30 000 assassinats. Inter, rendez-vous avec X. Dans son livre « Le dossier Haïti » paru chez Taillandier, Catherine Ève Di Chiara évoque longuement les tontons Macoutes. Je la cite. Revêtus d'un uniforme en bleu de chauffe, coupe cow-boy dans les campagnes, style policier new-yorkais dans les villes, arborant volontiers d'énormes lunettes de soleil, une machette au côté, une pétoire à la ceinture ou gonflant une poche, les tontons Macoutes qui forment la garde prétorienne du président Duvalier semblent plus proches des bandits de grand chemin que de soldats réguliers. On les dit recrutés dans le sous-prolétariat de Port-au-Prince et des campagnes misérables parmi les repris de justice. En fait, pour en faire partie, il suffit d'un peu d'argent et d'être parrainé par un VSN volontaire de la Sécurité nationale. Et plus loin, l'auteur parle de leur chef, qui était assez curieusement une femme. Les tontons Macoutes seront longtemps dirigés par une femme, Madame Max Adolphe, ou Rosalie Bouquet, de son nom de jeune fille, plus connue sous le sobriquet d'Adolphine. Elle est fille de députée et a fait ses études dans les lycées parisiens. Elle aurait été bibliothécaire à la Sorbonne quand elle avait 25 ans. Mais peut-être n'est-ce qu'une légende, car certains affirment que la Sorbonne était une maison close de Port-au-Prince et que la belle Rosalie y faisait commerce de ses charmes. Il n'en reste pas moins qu'elle a lutté les armes à la main contre un groupe d'émigrés débarqués dans l'île, ce qui lui a valu d'être nommé par François Duvalier oncle suprême, c'est-à-dire chef incontesté des tontons Macoutes, également directrice de la sinistre prison de Fort-Dimanche. Elle a alors une trentaine d'années. Épouse du ministre de la Santé Max Adolphe, députée, elle s'habille chez nos grands couturiers et se parfume chez Pierre Cardin. Mais dans son sac à main, à côté d'un miroir, on peut apercevoir la crosse d'un Colt. En fait, son revolver mondain n'est qu'un amusoir, car elle préfère de beaucoup la mitraillette et la tenue de parachutiste qu'elle adopte volontiers pour parader dans les rues en compagnie de ses hommes en bleu de chauffe ou pour lancer des expéditions punitives dont on l'a dit très friande. Mais comment le petit homme timide, comme vous disiez, ce médecin des pauvres, s'est métamorphosé en dictateur sanguinaire? C'est en effet assez extraordinaire. Alors comment expliquer ça? D'abord, il y a cette tradition de violence qui est le lot de Haïti depuis des années et des années. La plupart des présidents ont fini balayés par des émeutes ou des putschs. Le docteur Duvalier le sait fort bien. Et parvenu au pouvoir, il n'a pas l'intention d'être aussitôt renvoyé dans son cabinet médical. Alors, il va utiliser cette même violence pour rester au pouvoir? C'est certain. Ensuite, il y a la cause qu'il représente, celle des paysans les plus démunis. Avec lui, partisans du noirisme, comme il dit, ce sont les descendants des esclaves qui veulent prendre leur revanche sur la riche bourgeoisie mulâtre qui les a toujours opprimés. Mmh. Le noirisme... La négritude, autrement dit. D'accord, ouais. Duvalier va sciemment jouer la lutte des races. Ah oui, non pas la lutte des classes. Oui, et le racisme, quelle que soit son origine, est toujours annonciateur de violence et de démagogie, bien entendu. Dans ce domaine, Papadoc s'est révélé très doué. Il n'a jamais oublié de se servir des masses les plus pauvres pour asseoir son pouvoir. Des miséreux qu'il a accablés de promesses et qu'il a mobilisés avec les slogans les plus dangereux pour éliminer tous ceux dont il voulait se débarrasser, les intellectuels, les militaires, les membres du clergé catholique, les mulâtres, les blancs et j'en passe. Mais c'était très hypocrite. Pourquoi ? Prenez les mulâtres, cette minorité censée exploiter les masses nègres, comme dit Duvalier. Il ne cesse de les dénoncer. Mais en réalité, ce sont ces mêmes mulâtres qui continuent de détenir les principaux leviers économiques et même politiques. Papadoc a donc besoin d'eux ? Forcément. Mais il y a le discours et puis la réalité. Ce racisme anti-mulâtre, c'est bien pratique. Et ça plaît à une population opprimée depuis si longtemps. Mmh. Et les Américains, alors Dans l'île, personne n'a oublié la brutalité de la période de l'occupation. Alors les Américains aussi sont visés, au moins dans les premiers temps. Car Papadoc va bientôt comprendre où est son intérêt. Et il jouera assez habilement pour faire en sorte que Washington fasse contre mauvaise fortune bon cœur, surtout à partir du moment où Fidel Castro régnera à Cuba. Ouais, je vois, il a exercé une sorte de chantage. Bien sûr, un chantage au communisme. Duvalier va jouer habilement sur les craintes américaines. Alors à plusieurs reprises, il va faire semblant de lorgner vers Cuba. Et à chaque fois, ça paiera. Que voulez-vous dire là? Un seul exemple. Lors d'une conférence de l'Organisation des États américains, il se range du côté des pays opposés à ce que des sanctions économiques soient prises contre Cuba. Alors là, il s'oppose aux États-Unis, clairement. Oui, ouais, mais au moment de voter, Duvalier se ravise et approuve l'initiative nord-américaine. Dès le lendemain, Washington annonce que Haïti va bénéficier d'un nouveau prêt. Vous voyez, c'était très simple. Disons-le tout net, les gouvernements américains, à l'exception peut-être de celui de Kennedy, vont très vite s'accommoder de Papadoc. Mmh. Ils vont donc fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme et puis tout le reste, quoi. Oui, c'est certain. Et pourtant, Haïti est devenu le royaume du Père Ubu. On arrête, on torture, on fusille pour un rien, un soupçon suffit. Mmh. Et les Haïtiens subissent sans manger ? Oui, et d'abord parce qu'ils sont pauvres. C'est ça aussi, Duvalier. Il va largement contribuer à maintenir son pays dans le sous-développement. Un miséreux se révolte rarement. Il pense d'abord à se nourrir. Et puis, il y a l'utilisation machiavélique du vaudou. Le culte vaudou. Exactement. Mmh. Cette religion importée d'Afrique par les esclaves est très pratiquée dans toutes les Caraïbes. Elle est d'ailleurs souvent mêlée de quelques croyances chrétiennes. Curieux syncrétisme, enfin bref. Papadoc en fait une sorte de religion d'État. Tout est bon pour assujettir les Haïtiens et les maintenir dans l'arrière-son. Mmh. Oui, mais enfin, concrètement, comment se sert-il du vaudou ? Le vaudou n'est pas une religion totalement comme les autres. C'est aussi un art de vivre. Le vaudou imprègne la vie des Haïtiens. Ils sont persuadés que les esprits les environnent en permanence et commandent leur existence. Ah oui, alors c'est très pratique pour soumettre les gens. Bien évidemment, par l'intermédiaire des prêtres et des prêtresses vaudous. Mais Papadoc va encore aller plus loin. Il va peu à peu convaincre les Haïtiens qu'il est lui-même une sorte de grand maître vaudou choisi par les esprits. Doué d'ubiquité, rien ne put donc lui échapper. Super espion. Et si un complot se prépare contre lui, il est immédiatement informé. Ah, alors il lâche sur la population ses troupeaux de zombies. Duvalier n'aurait pas se fait appeler le grand électrificateur des âmes. Et on y croit ? Et on a peur, c'est le plus important. Mais je reviens sur la question que vous m'avez posée précédemment sur l'opposition à Duvalier. La grande masse de la population, essentiellement rurale, ne bouge pas. Parce qu'elle est crédule et terrorisée. Non, c'est du côté de l'armée qu'on trouve des opposants. Ah oui, elle a à se plaindre. Hein. Eh oui, je vous l'ai dit, elle a permis à Papadoc d'accéder au pouvoir. Mais Duvalier, dès qu'il a été élu, n'a rien eu de plus pressé que de la museler. Et ça passe mal chez des officiers qui ont eu toujours l'habitude d'occuper la première place. Alors, ces officiers, forcément, vont donc comploter. Alors, risque et péril. En 1963, Papadoc envisage de se faire réélire alors que la Constitution lui interdit de briguer un second mandat. Pour légitimer cet accroc constitutionnel, Duvalier compte organiser une gigantesque manifestation populaire. Alors, un certain nombre d'officiers décident de passer à l'action. Mais leur initiative est confuse, précipitée. Ils sont arrêtés. Et livrés au tonton Macoute. Bien entendu. Hein. Mais deux jours plus tard, un attentat est perpétré contre les deux enfants du président. Ceux-ci s'en tirent. Mais plusieurs membres du service de sécurité sont tués. À tort ou à raison, Duvalier soupçonne un jeune lieutenant, Benoît, d'être à l'origine de l'attentat. Benoît et son épouse ont le temps de se réfugier dans l'ambassade dominicaine. Papadoc, furieux, envoie ses tontons Macoute massacrer toute la famille de Benoît et même les domestiques. Et Benoît lui-même reste à l'ambassade dominicaine ? Oui, malgré une tentative d'invasion des tontons Macoute, une violation de l'immunité diplomatique qui provoque une grave crise avec la République dominicaine. La guerre menace entre les deux voisins. Et il est certain que Kennedy songe un instant qu'il y a peut-être là un moyen de se débarrasser de Duvalier. C'est-à-dire en intervenant militairement aux côtés des Dominicains. Hein. Mais en même temps, il a peur que Castro ne profite de cette agitation. Et finalement, il décide de ne rien faire. Et les choses se calment peu à peu. Ça veut dire que Duvalier a gagné, hein ? Oui, certainement. Les États-Unis prennent bien quelques mesures de rétorsion contre Haïti, mais on voit bien là toute l'ambiguïté de la politique américaine vis-à-vis de Haïti. Les Américains ne veulent pas apparaître comme les soutiens d'un régime aussi tyrannique. Mais en même temps, ils s'en accommodent. Et sous Johnson, les relations reprendront comme avant cette crise. L'île bénéficiera à nouveau d'une importante aide financière. Donc, ayant levé ces obstacles, Duvalier se fait réélire. Oui, il ira même plus loin, puisque peu après, il promulgue une nouvelle constitution. Désormais, il est président à vie. Ah ben, c'est plus simple. Mégalomanie aidant, il songera même à se proclamer empereur sous le nom de François Ier. Mais son entourage le dissimulera. La peur du ridicule ? Sans doute. Les années qui suivent sont émaillées de massacres, de carnages. La folie est sans limite. Mais la situation économique à Haïti devient de plus en plus précaire. Duvalier a besoin d'argent. Une nouvelle fois, il se tourne donc vers le Washington. Pour amadouer la Maison Blanche, il se lance dans une vaste et sanglante campagne contre les communistes, ou tous ceux qui sont supposés l'être. Et pour mieux forcer le trait, une série d'attentats secoue l'île. Vous assumez que ces attentats auraient pu être commandités par Duvalier lui-même ? Et pourquoi pas ? N'était-ce pas le meilleur moyen de convaincre les Américains que Haïti était menacé par une subversion d'extrême gauche et qu'il convenait donc de l'aider au plus vite? Je reviens un instant sur le culte de la personnalité que Papadoc a institué. Il y a d'abord cet extravagant credo, « que tous les élèves haïtiens doivent réciter chaque matin. Écoutez. Notre doc, qui êtes au Palais National pour la vie, que votre nom soit béni par les générations présentes et futures, que votre volonté soit faite à Port-au-Prince et en province. Donnez-nous aujourd'hui notre nouveau Haïti, ne pardonnez jamais les offenses des apatrides qui bavent chaque jour sur notre pays. Quant au vaudou, voici ce que je lis dans le livre déjà cité de Catherine F. Dicard. Le vaudou a glissé également vers la désacralisation. Voulant exploiter le caractère spectaculaire des cérémonies et les manifestations exhibitionnistes qu'il comporte, les adeptes du vaudou l'ont ouvert aux non-initiés amateurs de sensations fortes pour en tirer finance. Ainsi, mis en contact avec les devises étrangères, le vaudou s'est lentement pasteurisé. Enfin, en en faisant une religion nationale, Duvalier a sorti le vaudou de ses umfortes, c'est-à-dire ses temples, et l'a privé du climat de secret dont il avait besoin. Le vaudou, reflet de l'infrastructure arriérée d'Haïti, d'une civilisation de la houe et de la machette, dans un monde de tracteurs et de machines perfectionnées, et du caractère semi-féodal du peuple haïtien, est aussi une religion qui l'englue dans un mysticisme résigné, en le confinant dans un désespoir métaphysique qui s'oppose à tout progrès psychologique et économique. Voilà bien pourquoi il avait su séduire Duvalier. Ce livre, Le dossier Haïti, a été publié chez Taillandier. En cette fin des années 60, malgré l'aide américaine, le pays s'enfonce dans la crise. Haïti va à volo. Les cadres fuient, l'agriculture est sinistrée, les revenus, déjà si faibles, baissent encore et la croissance chute. Ouais, ça sent donc la fin de régime. Incontestablement. Et Duvalier lui-même ne va pas fort. Il est très malade. Et médecin, il est bien placé pour savoir qu'il n'en a plus pour longtemps. Il lui faut donc assurer sa succession. Oui. Et une fois de plus, il manipule la Constitution en abaissant l'âge auquel on peut accéder à la magistrature suprême. Ah oui, parce qu'il veut que son fils y succède. Son fils Jean-Claude, qui n'a que 18 ans. Par conséquent, dorénavant, c'est à partir de 18 ans qu'on peut devenir président de la République. Et pour faire bonne mesure, Papadoc fait ratifier par un référendum sa décision de faire de son fils son successeur à vie. Mmh. Un référendum qui donne quel résultat? Je vous le donne en mille. Il n'y a pas une seule voix contre. Une unanimité hautement suspecte. Croyez-vous? Non. Quelques semaines plus tard, François Duvalier s'éteint et Babidoc règne. Une anecdote avant de parler du fils. Quand le cercueil de Papadoc quitte le palais présidentiel, une soudaine bourrasque soulève une colonne de poussière. Pour les Haïtiens, il n'y a pas de doute, c'est l'esprit de Papadoc qui se manifeste et qui va rejoindre le palais où il va désormais inspirer Babidoc. Mmh. La succession est donc quasiment magique. Oui, oui, oui. Alors ce fils? Jean-Claude Duvalier est un gros garçon, plutôt balourd. Un fils à papa qui s'intéresse surtout aux filles, aux belles voitures et au whisky. Ouais, pas très voyant. Non, surtout pas fait pour devenir président. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il n'a pas beaucoup d'appétit pour le pouvoir. Mais il n'a pas le choix. Et s'il voulait renoncer, sa mère, la terrible Madame Simone, saurait bien s'y opposer. Parce qu'elle aussi, elle a des... Enfin, lui n'en a pas, mais elle, sa mère, a des ambitions personnelles. Oui, oui. Vous savez comment les Haïtiens l'appellent? L'Agrippine des Caraïbes. Donc elle veut être la régente. Et elle place autour de son fils tous les membres de la vieille garde du Valieriste. Ouais. Donc rien ne change? Apparemment non. Mais petit à petit, malgré sa balourdise, Babidoc va s'émanciper. Et au milieu des années 70, il se débarrasse des crocodiles qu'on lui a imposés et libéralise le régime. Ah bah, donc il ne ressemblait pas à son tyran de père. Hein. Il est incontestablement moins cruel. Sa dictature, si l'on peut dire, est plus douce. Ouais, mais c'est toujours une dictature. Naturellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une dictature plus douce? Oui, j'allais vous le demander. Ouais. Eh bien, là où Papadoc a fait assassiner quelques 30 000 personnes, Babidoc n'en fera tuer qu'une centaine. Ah, net progrès, en effet. Oui, en effet. En outre, Babidoc fait libérer des prisonniers politiques et restaure assez timidement la liberté de presse. Lui, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Ce qui l'intéresse, c'est l'économie. Mon père, dit-il, a fait la révolution politique. Moi, je ferai la révolution économique. Mais la fera-t-il, effectivement? Il va essayer. En particulier en faisant venir des investisseurs étrangers, le Club Med, par exemple. Mais sur le fond, rien ne change vraiment, malgré l'importante aide internationale. Et rien ne change, pourquoi? D'abord parce que la nature du régime est toujours la même. Les tontons Makoutes se font plus discrets, mais ils sont remplacés par une nouvelle milice, les Léopards. des hommes formés par d'anciens marines américains qui doivent lutter en priorité contre la subversion. Ah, des marines, alors ça veut dire que Washington n'est pas très loin. C'est évident. Ensuite, au culte de la personnalité du grand électrificateur des âmes succède le Jean-Claudisme. Le Jean-Claudisme, c'est-à-dire le culte de Jean-Claude. Oui, ouais. Et enfin, si Haïti, malgré l'aide étrangère, ne décolle pas, c'est que Babidoc se livre à un pillage systématique des crédits consentis à son pays. Ouais, tout finit dans sa poche, quoi. Une grande partie, en tout cas. Jean-Claude Duvalier ne fait pas de différence entre sa propre cassette et les finances du pays. Et quand je parle de cassette, je devrais plutôt parler de comptes en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Il faudrait aussi évoquer les appartements ou les maisons qu'il achète un peu partout, en France en particulier. Au total, ce sont des centaines de millions de dollars que Babidoc va détourner. Alors que son pays est un des plus pauvres du monde, oui, il faut le rappeler. Oui. Et ça va encore s'accentuer avec le mariage de Duvalier Junior. Contre l'avis de sa mère, Babidoc épouse une riche héritière mulâtre, Michelle Bennett. Ça a donc deux conséquences. D'abord, l'accentuation du clivage traditionnel entre les Noirs et les mulâtres. Ensuite, la mise en coupe réglée du pays va redoubler. Car cette jeune et très belle épouse est encore plus intéressée que son mari. Mais, enfin, dans ces conditions, comment se fait-il que l'aide internationale continue à affluer? Enfin, c'est un gouffre sans fond, non? Vous avez raison. Mais il existe aussi des raisons géopolitiques de soutenir Babidoc. Cuba, toujours? Oui. Toutefois, c'est certain, la situation du jeune dictateur va devenir de plus en plus difficile. Sur le plan intérieur, pour commencer. La relative libéralisation du régime a permis à l'opposition de relever la tête. On observe des manifestations, des grèves. Ce qui était impensable sous Papadoc. Ces revendications sont relayées par une partie du clergé catholique, surtout à la base. Oui, l'Église de la Libération. Oui, c'est ainsi qu'on l'a appelée en Amérique latine, effectivement. Et elle va jouer un grand rôle dans la chute de Babidoc. Bon, finalement, bon, Babidoc, il n'aurait jamais dû ouvrir les vannes. Ah, s'il voulait rester au pouvoir, sans doute. Mais les menaces viennent aussi de l'extérieur. Le président Carter, fidèle à lui-même, a été particulièrement sensible aux violations des droits de l'homme à Haïti. Mm-hmm. Et quand Reagan lui succède? Reagan ne pouvait être mécontent de voir un président haïtien qui semblait lutter avec détermination contre la subversion communiste, mais il a évolué lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris, avec lui toute l'administration américaine, que ça finirait mal si Jean-Claude Duvalier restait au pouvoir. Et vous ne l'ignorez pas, ce sont les Américains qui vont contraindre Babidoc à lâcher les rênes. Ils organiseront même son départ. Mais le premier signe a été donné dès le début des années 80. Racontez, non? En raison de la pauvreté croissante, les Haïtiens étaient toujours plus nombreux à quitter leur île. On a même parlé de véritables boat people qui prenaient la mer en direction des États-Unis. Or, Reagan a subitement ordonné aux gardes-côtes d'arraisonner ces bateaux d'exilés et de les refouler vers Haïti. Il ne voulait peut-être pas s'encombrer de ces réfugiés. Mais peut-être, mais je crois plus volontiers qu'en refoulant ces exilés, il a surtout voulu montrer le sentiment d'exaspération dans l'île en poussant ces gens à se révolter. Et à chasser Babidoc, donc. Sans que Washington ne s'en mêle ouvertement, mais nous, Français, avons joué aussi un rôle. Ah, pour quelle raison nous... Je crois que la France n'a jamais renoncé à s'intéresser à ce pays francophone avec lequel quelques-unes de nos sociétés faisaient de très bonnes affaires. Il faut noter que nos critiques contre les Duvaliers ont toujours été très discrètes. Mais au début des années 80, un opposant dont la famille a été massacrée par les sbires de Duvalier père prend contact avec les autorités françaises. Que veut-il? De l'aide. Il a un plan pour débarquer à Haïti et renverser Babidoc. Mais de l'aide militaire, donc. Et des négociations s'engagent dans le plus grand secret. Du côté français, son contact, c'est Baril. Le super gendarme. Et Baril, qui a alors d'excellentes relations à l'Élysée. Et des proches du président Mitterrand, on a parlé de Guy Pen et Régis Debray, sont mis au courant. Et que se passe-t-il? Écoutez, je ne sais pas exactement où sont allées ces négociations, mais tout ça n'aboutira pas. Pourtant, je pense que ça expliquera la suite. C'est-à-dire? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Babidoc, contraint par les Américains de quitter Haïti, a choisi de venir en France? Et pourquoi, malgré le caractère illégal de son séjour, qui ne devait pas dépasser 15 jours, il se trouve toujours chez nous? Attendez, j'essaie de comprendre. Vous pensez qu'il aurait pu menacer de révéler le secret des négociations nouées entre ses opposants et le gouvernement français? Je n'en sais rien, mais je m'interroge. Dès qu'il s'agit de trafic d'armes, tout est possible. C'est Edoui Plenel, l'actuel directeur de la rédaction du Monde, qui a évoqué le premier ses contacts entre des hommes de l'Élysée et cet opposant haïtien, un certain Bernard Sansaric. Mais je n'ai rien trouvé d'autre qui puisse confirmer l'hypothèse de M. X. Enfin, Et ce n'est pas tout à fait étranger à la récente actualité. Je voudrais vous signaler l'apparition d'un livre de Jacques Danois. Correspondant de guerre, ancien responsable de l'information de l'UNICEF, ce journaliste n'a jamais cessé de s'intéresser à l'histoire du Vietnam. Le Vietnam dont les enfants sont aussi les frères des enfants tchétchènes, afghans, palestiniens, irakiens. Danois, avec la sensibilité qui lui est propre, raconte cette histoire universelle, celle des enfants qui subissent des frappes qui ne sont chirurgicales que dans les communiqués des vainqueurs. Son ouvrage, Une récolte de lune, est publié par les éditions du Jubilé. Je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Et dès samedi prochain commence la rediffusion des programmes, tout l'été, les programmes les plus demandés par les auditeurs de Rendez-vous avec X. Bonnes vacances.